de flow s'élance de mon stylo. Trop technique, je suis loin de vous comme Mister Popo et le très haut. Si t'entends mon son, sois aux aguets. Quand on parle des leurs, c'est au passé. Mais si je perds dans le rap, je sais que mon sensei est un Hokage. Des 16, moi je peux t'en envoyer. Quand j'ai l'inspi, le stylo glisse, c'est bon. Fais gaffe à pas te noyer parce que mon flow c'est un fruit du démon. J'suis un athlète, trop d'abdos. Toi t'es qu'un adepte au McDo. En face à face, t'éclate ta basse avec un Mac and Kozapo. Matérialiste comme Madara, toutes les meufs pensent réellement que dans la vie, avoir des bijoux, c'est bien ce qu'il y a de mieux. Alors elles écartent les jambes en portant leur jutsu à queue. J'suis chibi pour satisfaire, malheureusement j'ai qu'une seule queue. Instinct animalier, on ne connaît pas le sommeil. Ben tous les jours car nous faisons partie de ceux qui m'aiment sans oseille. Ben tous les jours on pousse, on n'est pas tous sains, c'est un pour tous et tous pour un. Grizzly and Wolf et Ké et Gotei. Tu dis que t'es un grand dur mais t'es qu'un gros mytho. Quand les choses se gâtent tu disparais. Chez moi on t'appelle Obito. Stop les légendes, toi t'es à mes côtés. Moi je peux parier que non, fais pas le chevalier d'or. Car t'es qu'un chevalier de l'ombre. J'suis pas de ces infidèles comme John Terry. Des bords terribles m'ont blessé, j'en suis pas mort, j't'ai dit. J'ai forcé vie, leur insolence, leur vice et leur manigance. Elles me mèneront plus en bateau. Moi j'suis pas le vent, Mary. Dans mon Death Note j'vais l'écrire ton blaze. Moi j'kick sale de phase en phase. J'me sens pousser des ailes comme Ryuzaki ou Pégase. 40 secondes, crise cardiaque, c'est ça la vie. Tu jouais les ganges, t'es aplati. Tu passeras des ténèbres à la lumière, la Yagami. Comme une toupie bébé, faites-moi tourner cette vidéo. J'suis genre de gros compète, comprenez pour un petit vélo. J'termine donc ce freestyle, j'espère qu'il sera vu par Megan Fox. J'm'imposerai dans le monde du rap comme Hippo dans celui de la boxe. Dis.